yo, a long time symphonique man killer. Donc on va la drop, bizarre Maurice Djibout. Des bambous à plaisance, fire solitude. Jusqu'à Rodrigue, jusqu'à Rodrigue. Oui, Mathieu. Bonsoir Zotto, tout bandit moun killa. Levez les bras pour étouffer, c'est we are killa. La pole position, comme on va se poser sur le sillon. Mon réponse aux autres Djibout, que Zot demande qui position. Mais la ville est dure, avec les réserves Kuba. Donc tout sain, ça nous avance, un seul combat. Un but, un objectif, pas de réussite possible. Mon frère, sortir dans la drogue, l'impossible. Zot la hésitant, guette sa peine à évident. Toi où les connaît la force, demande à ban résident. Héroïne, subutex pour une sugar white lady. La drogue, ça la détrime au type pays. Cette sale TPT tué, trop de bayo, mon houlet les disparaît trop. Kuma dodo, plus capable mal par une nation, bise un moral l'acier. Nous mars la met dans la main, man sala qui sérieux. Get un good, vin un good, sent un good. La famille du boot. Get un good, vin un good, sent un good. La famille du boot. Get un good, vin un good, sent un good. La famille du boot. Get un good, vin un good, sent un good. La famille du boot. Comment dire CDS, Zotia Djibout, CDS, Djibout, CDS, Djibout. Comment dire nous base, Zotia Djibout, nous base, Djibout, nous base, Djibout. Comment dire chrysalide, Zotia Djibout, chrysalide, Djibout, chrysalide, Djibout. Comment dire flamboyant, Zotia Djibout, flamboyant, Djibout, flamboyant, Djibout. Get un coup, vin un coup, sent un coup. La famille Djibout, get un coup, vin un coup, sent un coup. La famille Djibout. Get un coup, vin un coup, sent un coup. La famille du boot. Get un coup, vin un coup, sent un coup. La famille du boot. Deuxième round, Phonique les sort l'underground. Bise un passe, mais ça vire à tout bandit moon. Liberté, pévini, si nous aller dans bon sens. Jeunesse, jeunesse, jeunesse, prends conscience. Penaze vidéo, mon cause est réalité. Héroïne, la haine, fléau, nous bise un faire aller. T'es pas tout seul face la drogue, si te demande code, peux aller. Me donne réponse, vin la communauté. Et na la famille, et na communication. Mauricien, mauricienne, nous et na NCN nation. Ça qui bon, ça qui doux, ça qui meilleur. Zom dans île, m'offert une grande prière. Pour que dis maintenant. Enfants, pas con, problème la drogue, pas con, prostitution, pas con, problème l'alcool. Moi juste un petit français, puni de noisy le sec, mais de santé pour Zotou, ça marie correct. Donc comment dire pour lui, Zotia Djibout, pour lui, Djibout, pour lui, Djibout. Comment dire Rosil, Zotia Djibout, Rosil, Djibout, Rosil, Djibout. Comment dire Kirpip, Zotia Djibout, Kirpip, Djibout, Kirpip, Djibout. Comment dire Maurice, Zotia Djibout, Maurice, Djibout, Maurice, Djibout. La famille Djibout, get un coup, vin un coup, sent un coup. La famille Djibout, grand B, 4 bornes, Phoenix et Rivière Noire. Moka, grand port, les plaines et pop le mousse. Flax, savane, disque, rivière du rempart.